Don Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 avril 2018. Voici les grands titres de cette édition. La troisième édition de la Conférence nationale des jeunes a débuté ce matin à Gitega sous le thème « Méditation sur le sens de la patrie et le rôle de la jeunesse dans la construction du Burundi ». L'occasion pour le président de la République qui a lancé officiellement les travaux de mettre en garde tous ceux qui tenteraient de manipuler la jeunesse. Et le président du parti Rassemblement National pour le Changement, RANAC, déclare garder la sérénité malgré les tracasseries policières dont il a lui-même été victime, ainsi que des militants de son parti. Aloïse Barichako a fait enregistrer le RANAC à la Commission électorale nationale indépendante en vue de participer à la campagne pré-référendaire de mai prochain sur le projet de révision de la Constitution de la République. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités PARSEM présente sa vision de développement de la commune et constate que depuis la politique de décentralisation faisant de la commune la première entité de base de développement du pays, sa valeur ajoutée laisse encore à désirer. Vous entendrez les explications à ce sujet de Faustin Ndikoumana. Voilà, merci d'être avec nous, les détails dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, les communes burundaises considérées aujourd'hui comme des entités de base de développement du pays font face à différents défis qui risquent de freiner leur développement, selon le président de cette organisation PARSEM, dans une conférence de presse tenue ce mardi pour évaluer le niveau de la décentralisation burundi après le tour dans différentes communes. Faustin Ndikoumana a noté une absence d'orientation de stratégie de développement local, un manque d'évaluation des réalisations de la commune. Suivez Faustin Ndikoumana. Une absence d'orientation sous forme de stratégie de développement local. Cette stratégie de développement local devrait partir d'une analyse d'une économie locale, identifier les avantages concurrentiels et exploiter les opportunités. Cela manque. Il y a manque d'insistance sur les axes stratégiques qui devraient impulser cette dynamique de développement. D'abord, par exemple, identifier les 5 axes très fondamentaux. Il y a l'axe gouvernance, il y a la transparence dans la gestion, le fonctionnement démocratique et de l'administration, la capacité institutionnelle, les moyens, les compétences des ressources humaines qui gèrent la commune, les capacités de planification, d'élaboration des projets. Ça tend à être négligé. Il y a l'axe développement du secteur privé local. On devrait commencer à parler de l'environnement des affaires au niveau local. Le développement de la statistique locale, on ne peut pas penser à développer une entité sans se baser sur les chiffres de la statistique. Statistiques au service de la commune pour justement se projeter dans l'avenir avec une vision fondée sur des évaluations qui ont des critères objectifs, notamment le contrôle budgétaire de la commune. On parle de 500 millions déjà envoyés dans les communes, bientôt 3 ans. On se demande est-ce que cet argent a déjà produit une valeur ajoutée. Il faut alors une évaluation de la gestion interne des fonds et aussi de ce que ces fonds ont pu provoquer comme valeur ajoutée ou bien dans le changement des structures de fonctionnement de la commune pour les rendre beaucoup plus performants. Faustin Ndikoumana, président de l'organisation PARSEM, qui affirme que même s'ils n'ont pas pu atteindre toutes les communes, le constat qu'ils ont fait dans les communes visitées est généralisable. Je parlais dans l'ensemble, justement, c'est parce qu'on a plusieurs communes. Donc, on a vu que les 5 axes vraiment sont titillants. On ne priorise pas la bonne gouvernance dans la commune, la capacité institutionnelle de la commune. Il y a par exemple une loi qui dit que les conseils techniques de développement des étudiants doivent avoir un diplôme universitaire. Combien en ont ? Il faudrait faire les descentes. Ça devient problématique. Quand tout est politique, alors des fois on oublie les ressources humaines qui peuvent assister l'administrateur dans sa prise de décision, dans l'orientation. Des ressources humaines compétentes. Je ne comprends pas, par exemple, que le poste de l'administrateur peut être plus politique. Mais il faut la politique d'orientation, mais il y a aussi les capacités techniques qui soutiennent, qui sous-tendent cette orientation. Ce sont les véritables piliers. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, le président de la République a inauguré ce matin à Gitega la troisième édition de la Conférence nationale des jeunes avec pour thème cette année la méditation sur le sens de la patrie et le rôle de la jeunesse dans la construction du Burundi. Dans son discours, le président Pierre Nkurunziza a exhorté les jeunes à participer massivement au référendum constitutionnel de demain prochain. Il n'a pas manqué d'adresser une sévère mise en garde contre tous ceux qui tenteraient de manipuler la jeunesse dans un sens ou dans un autre. Suivez un extrait du discours du président de la République. Nous vous demandons d'aimer et de travailler pour notre pays. Ne prêtez pas oreille à ceux qui veulent vous dérouter. Faites tout pour faire face à tous les défis quotidiens sans entendre l'intervention de l'État en toutes choses. Mais par contre, que le gouvernement vienne appuyer vos initiatives. Nous vous appelons à l'unité, à l'amour et à l'entraide. Rassemblez-vous dans les associations de développement car l'union fait la force. Nous vous appelons également à répondre au rendez-vous de la révision constitutionnelle. Nous vous annonçons que nous ne serons pas tolérants envers toute personne, qu'il soit burundais ou étranger, qui tentera d'opprimer et de dérouter la jeunesse burundaise, car nous sommes conscients quel est le fondement de notre nation. Vous devez prendre en main votre destin, respecter vos supérieurs, mais n'ayez pas peur de leur faire part de vos désirs sur base de l'avenir que vous désirez avoir. Demandez conseil à vos parents, à vos éducateurs et à vos supérieurs, là où vous êtes dans le doute. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, traduit par Charles Makoto. Et le Parti Rassemblement National pour le Changement, RANAC, s'est fait enregistrer à la Commission électorale nationale indépendante en vue de participer au prochain référendum sur la nouvelle constitution. Le président de ce parti a indiqué que ses arrestations en cascade et celles des autres membres du RANAC ne peuvent pas les décourager. Il a expliqué que ces récentes arrestations sont liées au mobile politique. Aloïse Barichako trouve que tous les partis politiques devraient exercer librement leurs activités politiques. Suivez-le. Oui, nous sommes confiants parce que c'est ce que nous sommes en train de demander. Nous sommes en train de demander l'espace politique. Il faut qu'il y ait le déverrouillage de l'espace politique pour que les partis politiques puissent se rendre sur le terrain. Et nos membres, c'est vrai, ont été emprisonnés. Même il y a ceux qui sont encore en prison. Moi aussi, j'ai été malmené, mais cela ne peut pas nous décourager. La politique, c'est comme ça. C'est un travail de tous les jours. Et quand on fait la politique, on doit accepter tout. Cela ne peut pas nous décourager. Nous sommes confiants et nous allons aller vers l'avant. Étant donné que nous n'avons pas encore eu la version finale de la nouvelle constitution, nous ne pouvons pas nous prononcer sur un oui ou sur un non parce que nous attendons justement la dernière version. Avec cette dernière version de la constitution, nous pouvons analyser et décider ce qu'il faut faire de cette nouvelle constitution. Vous savez, chaque parti politique a sa vision, a son projet de société. Il a la façon de voir comment il faut bâtir une nation. Toutes les constitutions ne sont pas bien vues par tous les partis politiques. Il y a des articles qui, pour le RANAC, ne sont pas beaux, mais peut-être pour les autres partis, sont beaux. Pour le moment, je ne peux pas le dire parce que j'ai dit que j'attends la dernière version. Peut-être que ces articles vont changer. Quand on aura la dernière version, je pense que cette question aura sa réponse. Mon arrestation, c'est suite aux activités politiques. Mais si on me dit que tout est fini, je pense que je pourrais à ce moment préciser les mobiles de mon arrestation. Aloïse Barichako, c'est le président du Parti Rassemblement National pour le Changement, RANAC. Ses propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. La Confédération africaine de football CAF a infligé une amende de 15 000 $ à l'équipe rwandaise de football Rayon Sport et une interdiction de 2 ans d'activité de football à 4 de leurs officiels.

Merci Alida, merci Docteur Martin. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle quelques titres avant de nous séparer. La troisième édition de la Conférence nationale des jeunes a débuté ce matin à Gitega sous le thème « Méditation sur le sens de la patrie et le rôle de la jeunesse dans la construction du Burundi ». L'occasion pour le président de la République de mettre en garde tout ce qui tenterait de manipuler la jeunesse. Le président du Parti Rassemblement National pour le Changement, Ranak, déclare garder sa sérénité malgré les tracasseries policières dont il a été victime, ainsi que des militants de son parti. Aloïs Barichako avait enregistré le Ranak à la Commission électorale nationale indépendante en vue de participer à la campagne pré-référendaire de mai prochain sur le projet de révision de la Constitution de la République. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités, PARSEM, a présenté sa vision de développement de la commune et a constaté que depuis la politique de décentralisation faisant de la commune la première entité de base de développement, sa valeur ajoutée laisse encore à désirer. Faustin Dikoumana note une absence d'orientation de stratégie de développement local ainsi qu'un manque d'évaluation des réalisations de la commune. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. François Akimana, la mise en onde. Au micro Jean Bosco Nduimana. Passez un bon après-midi.